Citrice quand elle est apparue. Ses yeux, quelle fascination. J'ai tout de suite été ébloui. Mes amis disent, je le suis de trop. C'est seulement elle qui me plaît. Mais c'est elle qui me plaît. Tu gagnes seul ce que tu as planté. C'est pour cela qu'il dit que je suis revers. Et je dis qu'elle est pour moi une fraise dans le nord-est. Cela n'existe pas, je suis intraitable. Mais pour cette femme, oui, je ferai tout. Et y aller jusqu'à me battre pour elle. C'est seulement elle qui me plaît. Mais c'est elle qui me plaît. Tu cueilles seul ce que tu as planté. C'est pour cela qu'ils disent que je suis revers. Et je dis qu'elle est pour moi une fraise dans le nord-est. Cela n'existe pas, je suis intraitable. Mais pour cette femme, oui, je ferai tout.